Viens pas me raconter qu'on vit pas les mêmes choses au tribunal. Nous on tombe et c'est toujours les mêmes souffles, la même saveur qu'on savoure. Et de la même façon, aussi vrai qu'une seule façon de couper le savon, c'est fou, grouper tel des cafards pour trouver où est le caviar. Motiver celui qui bosse, si l'avenir c'est l'école, la boxe, consoler l'euro. Capuche ses parents, tu sais pas, nous on le voit, mais c'est pas apparent, il passe. Vas-y, mets le son, j'oublie qu'il y a trop de monde à la maison. Papa et ma sonde, pas plus 10, ça peut m'en mazo. On porte tous les mêmes prénoms, au chômage, un surnom, plein de potes à l'ombre et toujours l'estomac dans les talons. Dis jamais qu'ailleurs chez toi, il n'y a pas de talent à notre naissance, tu sais quoi. On a déjà un numéro, c'est celui qui compte, alors s'il te plaît, me fais pas ce numéro. Oh. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas. Mon rap n'a pas d'adresse, il est SDS en département fixe. Vas-y, lève tes fesses, ferme ta bouche, car c'est un retour au sauce, pas au sous. C'est le son du cœur qui vient du fond du poste. 7, 5, 9, 1, 9, 5. On s'en fout de ton adresse car le son vient des enceintes. Alors tu nous calcules toujours pas, pourtant c'est sain. Allez, un fond de fondé en 2000. C'est les babouanes en featuring Daddy Lord. Si on vise le mille et une capitale dans le rap, le papier. MC même dans l'angle de ton stylo, t'as papier. Écoute, c'est un son venu d'ailleurs pour briser toutes les barrières. La type babouane, c'est le débarquement. Écoute la basse, elle se fout de ton département. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas. On est tous des casseurs, qu'on retrouve cagoulés ou morts. Tu sais que les chasseurs meurent là où les loups morts. Écoute, notre armée est cachée sous les cris. On nous a placés sous les grilles avec de l'acier sous les grilles. Et les larmes dans le sol, on fait pousser la rage de terre. On a passé l'âge de jouer, mais trouver l'âge de guerre. On pleure quand on voit un nous dans les cieux. C'est avec l'amour dans l'âme qu'on regarde la mort dans les yeux. Nous v'là plavant dans l'eau de mer. On sort pas du vin de l'on rive, mais du vin de nos mères. Et ouais, une aiguille est dérisoire dans la meule, puisque tout le monde partage le même territoire dans la meute. Donc quand tu l'ouvres, souviens-toi que les loups ont terrassé les gros, que la mort amasse les corps là où les ours se sont cassés les crocs. Et toi t'es du 92 ou du 20, chut, on s'en bat les couilles d'où tu viens. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, tu parles pas en bien, bien que c'est le même combat. Faut bien dire d'où l'on vient, pour savoir où on va, peu importe ton quartier, dédicace au mec d'en bas.